name was Lola. She was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to do a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so fine. She drinks herself out blind. She lost her youth, she lost her tonic. Now she's lost her mind. Now go back, Copacabana. Le coin le plus chaud de la Havana. Now go back, Copacabana. Passion et musique, ce sont les mots magiques. Now go back. She's lost her mind. She's lost her tummy. She's lost her love. Poor Lola, look at her now. She's lost her mind. She's lost her love. Avant d'aller sur RGM, il est un peu plus de 8h37, pardon, on parle anniversaire. Ils sont nés un 18 juin 1931, naissance de Michou, célèbre directeur de cabaret français. 1939, naissance d'Amanda Lear, chanteuse, actrice, animatrice télé, artiste peintre française vue à la télévision dans Sous le soleil, avocat associé, scène de ménage, Nos chers voisins ou encore Nom de code, Rose. 1941, naissance de Roger Lemaire, qui fut footballeur français, devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueurs de 1961 à 1975, à jouant à Sedan-Arnène, à Nantes, à Nancy et à Lens, devenu entraîneur en 1975 du Red Star, de Lens, du Paris FC, de Strasbourg, de l'Espérance de Tunis, du Red Star, de l'équipe de France militaire, de nouveau de Lens, de l'équipe de France de 1998 à 2002, de la Tunisie, du Maroc, d'Akaragoukou, de Constantine, de l'Étoile du Sahel, de Sedan, de nouveau de Constantine et depuis 2019, il est de nouveau l'entraîneur de l'Étoile du Sahel. 1942, naissance de Paul McCartney, chanteur musicien britannique des Beatles. 1947, naissance de Linda Thorson, actrice canadienne, connue pour son rôle de Tara King dans la série Chapeau melon et bottes de cuir et son rôle de Julia Medina dans On ne vit qu'une fois. 1948, naissance de Philip Jackson, acteur britannique, connu dans les pays francophones pour son rôle de l'inspecteur Japp dans la série télé Hercule Poirot. 1960, naissance de Barbara Broccoli, productrice de cinéma américaine, coproductrice des dernières adaptations cinématographiques de la série des James Bond à partir de Tuer n'est pas joué, Permis de tuer, GoldenEye, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, Meurt un autre jour, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre et Bond 25, sortie prévue pour avril 2020. 1963, naissance de Dizzy Reed, claviériste américain du groupe Guns N' Roses depuis 1990. C'est également l'année de naissance de Christian Vadim, acteur français vu dans Nos plus belles vacances dans le rôle de Jackie, Le jeu de la vérité dans le rôle de Pascal, à la télé dans Les nouveaux chevaliers du ciel dans le rôle de Michel Tanguy, Navarro, Julie Lescaut, équipe médicale d'urgence dans le rôle du docteur Gaspard Perrac, Alice Nevers, Le juge est une femme, section de recherche dans le rôle du procureur Thierry Calvi, Alex Hugo ou encore Joséphine Angegardien. 1973, naissance d'Eddie Cibrian, acteur américain connu pour son rôle de Matt Clark dans la série Les Feux de l'Amour, son rôle de Cole Deschanel alias Cole St. John dans la série Sunset Beach, son rôle de Jimmy Doherty dans New York 911, vu dans Esprit criminel, quelques épisodes d'Ugly Betty dans le rôle du coach Tony Diaz, Les experts Miami dans le rôle de Jesse Cardoza, Chase, Rizzolian Isle, Rosewood dans le rôle du capitaine Ryan Slade ou encore Take Two dans le rôle d'Eddie Valetic. C'est également l'année de naissance de Julie Depardieu, actrice française vue dans Le colonel Chabert, 30 ans. Podium dans le rôle de Véro, Un long dimanche de fiançailles dans le rôle de Véronique Passavant, Poltergeist, Rush Hour 3, Le bal des actrices, Libre-échange, Les yeux jaunes des crocodiles, C'est quoi cette famille dans le rôle d'Agnès, rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans la suite C'est quoi cette mamie, sortie prévue au mois d'août prochain, vue à la télévision dans Le tueur du lac dans le rôle de Laure ou encore Les chamois dans le rôle de Christelle Bernard. 1975, naissance de Jamel Debbouze, acteur humoriste français, vu dans Le ciel, les oiseaux et ta mère. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Astérix Obélix, mission Cléopâtre, dans le rôle de numéro bis, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans Astérix aux Jeux Olympiques. Vu aussi dans Le Boulet, Angela, dans le rôle d'André, indigène, dans le rôle de Saïd, récompensé au Festival de Cannes pour son rôle, en prix d'interprétation masculine collectif hein, pour tous les interprètes. Vu aussi dans Hollywood, sur la piste du marsupilami La Marche, La Vache, Alad 2, dans le rôle de Sa Zaman, la série télé H, dans le rôle de Jamel Dridi, réalisateur de Pourquoi j'ai pas mangé mon père et producteur du film Indigène. C'est également l'année de naissance de Marie Gillin, actrice belge, vue dans L'Appa, dans le rôle de Nathalie, Le Bossu, dans le rôle d'Aurore, Le Dîner, Fragile, La Très Très Grande Entreprise, ou encore Coco avant Chanel, dans le rôle d'Adrienne Chanel. C'est aussi l'année de naissance de Patrick Melton, scénariste américain, co-scénariste des films Saw, 4, 5, 6 et 7. 1976, naissance d'Alana De La Garza, actrice américaine, connue pour son rôle de Maria Serrano dans la série télé La Famille Carver, vue dans Smallville, Charmed, Les Experts Miami, dans le rôle de Marisol Del Cocaine, New York Police Judiciaire, dans le rôle de Connie Rubirosa, Forever, dans le rôle du lieutenant Joe Martinez, Criminal Minds Beyond Borders, dans le rôle de l'agent spécial Clara Seger. 1986, naissance de Richard Gasquet, joueur de tennis français, professionnel depuis 2002, meilleur classement à l'ATP, la 7e place atteinte en 2007, demi-finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, quart de finaliste à Roland-Garros et 8e de finaliste à l'Open d'Australie. En double mixte, à noter qu'il a gagné une fois le tournoi de Roland-Garros. Aux Jeux Olympiques, en double, il a remporté la médaille de bronze. Avec la France, il a remporté la Coupe Davis 2017 et il a également à son actif une Hopman Cup remportée en 2017. 1991, naissance de Willa Holland, actrice américaine connue pour son rôle de Caitlin Cooper dans la série télé Newport Beach, son rôle d'Agnès Andrews dans Gossip Girl et son rôle de Thea Quinn alias Speedy dans les séries Arrow et The Flash. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec les Beatles, All You Need Is Love. Sing that can't be sung. Love. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Love. There's nothing you can make that can't be made. Love. No one you can save that can't be saved. Love. Nothing you can do, but you can learn how to be in time. It's easy. Together now. All you need is love. Everybody. is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Les Beatles sur le 107FM, un peu plus de 8h47, on parle tout de suite météo. La météo. Belle journée ensoleillée aujourd'hui avec des températures dignes d'une journée d'été. Elles sont comprises entre 16 et 17 degrés ce matin. Elles seront comprises entre 26 et 28 degrés pour cet après-midi. Mercredi, du soleil avec des orages à prévoir en soirée. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin, entre 27 et 28 degrés prévues pour mercredi après-midi. Jeudi sera une journée orageuse. Des températures comprises entre 17 et 18 degrés le matin, entre 20 et 21 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, tout de suite, on passe à l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence, bien évidemment, avec la Coupe du Monde féminine. Gloria, Gloria, I have my eyes on ya. Gloria, Gloria, I have my eyes on ya. Et dans leur dernier match de poule, la France s'est imposée 1-0 face au Nigeria. But inscrit par Wendy Renard sur penalty. La France termine donc invaincue et première de son groupe. Maintenant, concentration sur les huitièmes de finale. On va parler football toujours, mais cette fois-ci des Bleuets qui débutent leur Euro aujourd'hui et il faudra affronter l'Angleterre. Un mot de rugby maintenant avec le Mondial U20, la France affrontait hier l'Afrique du Sud en demi-finale. Victoire des Français 20-7. Direction la finale, ce sera contre l'Australie. Un mot de tennis maintenant avec tout d'abord le tournoi de Birmingham où il n'y a déjà plus de Françaises en compétition après l'élimination hier de Mladenovic en 3-7 face à Rodina, 6-2, 2-6 et 6-4. À Majorque aujourd'hui, Garcia affrontera Azarenka et Cornet sera opposé à Soribes Torino. Au tournoi de Halle, Herbert s'est imposé face à son compatriote Monfils en 2-7, 7-6, 6-4. Aujourd'hui, autre duel franco-français entre Joe Wilfried Tsonga et Benoît Paire. Richard Gasquet, lui, affrontera Gojovzik. Et au tournoi du Queens, Gilles Simon s'est qualifié en 3-7 face à Ward, 3-6, 6-3, 7-6. Nicolas Mahut s'est qualifié en 2-7 face à Tiafoe, 6-3, 7-6. Aujourd'hui, Lucas Pouille affrontera Clark. Manarino sera opposé à Kyrgios et Jérémy Chardy sera opposé à Kukushkin. Et on va parler d'un événement qui aura lieu samedi, place de la Chipote à Épinal. C'est la journée olympique en partenariat avec la fête du sport où de nombreuses activités sportives seront proposées bien pour les plus grands comme pour les plus petits. Voilà, à Épinal, donc ce samedi, place de la Chipote. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec les Guns N' Roses et leur titre Knockin' on Heaven's Door. Take this badge from me.